En signe de félicitations au camarade Kim Jong-un pour son élection au poste de président du Parti travail de Corée, l'Association d'études des idées du jeté et des expériences de la République populaire démocratique de Corée dans l'éducation socialiste du territoire de Khabarovsk, Russie, et diverses unités d'activités nigérianes ont livré du 19 au 24 courant les rassemblements, expositions de livres et séances de films. À l'exposition de livres, il y avait les publications sur l'aspect de la Corée du jeté et aux séances de films, ont été projetés les documentaires coréens tels que le monument à la fondation du parti. Les participants au rassemblement tenu en Russie ont adopté un message de félicitations à l'adresse du dirigeant coréen.